le 6-9 de l'été sur France Inter. Ça va swinguer tout l'été sur France Inter. Le 16 août prochain marquera les 40 ans de la mort d'Elvis Presley. À cette occasion, France Inter retrace la légende du King avec Magic Elvis, le feuilleton des radios francophones publiques consacré au King ce matin. Pour revivre la légende, partons à la rencontre d'Elvis et de ses fans. En longeant la propriété d'Elvis Presley à Memphis, je suis frappé par une chose. Le mur de pierre rouge qui donne sur la route est entièrement recouvert de petits graffitis. Des messages personnels, souvent des remerciements ou des mots d'amour directement adressés à Elvis. J'essaye de m'imaginer ce que pouvait être cet endroit de son vivant. Il paraît qu'il y avait des fans jour et nuit devant chez lui. Louise Smith, la cousine d'Elvis. 724. Il y avait des gens 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Parmi ses fans, celle qui allait travailler plus tard durant 22 ans au service d'Elvis Presley Enterprise, Patsy Anderson n'avait pas assez de ses yeux pour tenter d'apercevoir son idole. J'ai pu voir Elvis qui descendait parfois jusqu'au portail pour signer des autographes et parler aux fans. Il était vraiment génial. Et à force de patience, on arrivait parfois à obtenir un privilège inoubliable. One night I remember he was riding the go-kart. Je me souviens qu'un soir, il conduisait un kart dans les allées devant sa maison. Et à cette époque, les fans étaient autorisés à entrer dans la propriété et à s'asseoir dans l'herbe au bord de ce circuit sur lequel Elvis tournait. Un moment, il est passé derrière sa maison et nous attendions qu'il revienne de l'autre côté. Mais il est revenu en arrière sans son kart et il s'est caché à un coin de sa maison et il est resté là, juste dans notre dos, à nous observer. Une fille l'a vu. On s'est tous retournés et je peux vous dire que je n'ai jamais vu un être humain courir aussi vite qu'Elvis ce soir-là. En une seconde, il était retourné à son kart. I will be home again. Ah, les fans d'aujourd'hui doivent vraiment envier la chance de ceux d'hier. Ce qui ne les empêche pas de venir et revenir à Memphis à la recherche du fantôme de Presley. Et pendant ce temps-là, inlassablement, Elvis chante dans les haut-parleurs de Graceland. Never know how much I love you. Never know how much I care. When you put your arms around me, I get a fever that's so hard to bear. You give me fever. When you kiss me, fever when you hold me tight. Fever in the morning, fever all through the night. Sun lights up the daytime, moon lights up the night. I light up when you call my name, and you know I'm gonna treat you right. You give me fever. When you kiss me, fever when you hold me tight. Fever in the morning, fever all through the night. Everybody's got the fever, that is something you all know. Fever isn't such a new thing, fever started long ago. Romeo loved Juliet. Juliet, she felt the same. When he put his arms around her, he said, Julie, baby, you're my flame. Now give us fever. When we kiss, it's fever with thy flaming youth. Fever, I'm on fire. Fever, yeah, I burn forsooth. Captain Smith and Pocahontas had a very mad affair. When her daddy tried to kill him, She said, Daddy, oh, don't you dare give me fever. When this kiss is fever, when he holds me tight. Fever, I'm his missus. Daddy, won't you treat him right? Now you've listened to my story. Here's the point that I have made. Cats were born to give chicks fever. Be it Fahrenheit or centigrade, we give you fever. When we kiss you, fever, if you live and learn. Fever, till you sizzle. But what a lovely way to burn. Il nous a mis la fièvre, Elvis Presley, dans cette série signée Philippe Robin, initialement diffusée en 2007 et à retrouver chaque matin sur France Inter.